À 8h56 en duplex de La Rochelle, je salue François Morel. François, c'est à vous. Ce matin, cher Demorand, une chronique un peu plan-plan, j'en suis conscient, une chronique pas rentre-dedans, non un petit texte, pour passer le temps. Un mâle blanc quadragénaire, à la présidence de la République a été élu un mâle blanc quadragénaire, pour en parler ce matin, un mâle blanc quinquagénaire. Le mâle blanc quadragénaire est président, autant dire représentant de mâles et de femelles, de blancs et de pas blancs, d'enfants charmants, de vieux enfants, de vétérans, enfin de gens âgés, diversement. Le président mâle blanc quadragénaire a un mâle blanc sexagénaire toujours fringant. Dans sexagénaire, il y a sexe, c'est rassurant. Commande un plan. Et puis un plan pour un sexagénaire encore pimpant, tout frétillant, c'est engageant, c'est attrayant, c'est séduisant. Mais quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan ». A dit le président qui réclame un plan et sur le champ qui le néglige ouvertement. Commande un plan, de but en blanc, caduc le rang, c'est saisissant, c'est surprenant. Peut-être que le mâle blanc quadragénaire de président uniquement trouve convaincant les plans ne regardant que les mâles blancs quadragénaires et résidant rue du Faubourg Saint-Honoré, 8e arrondissement. Ça limite évidemment énormément le nombre de plans à ses yeux intéressants, l'interpellant, le concernant, le captivant. Merci beaucoup pour votre plan, merci vraiment, très inspirant pour quand les poules auront des dents, a dit le quadra au sexa, pas trop regardant, pourtant content de faire un plan. Est-ce trop clivant que d'être blanc ? Je laisse un blanc. Je ne vais pas faire un discours, a dit le président, avant de parler une heure durant. En même temps, c'est désarmant, déconcertant. Il est presque 9h, salut les gens, mes compliments, reparlons-nous incessamment, prochainement. Pour le moment, à La Rochelle, c'est l'heure du blanc. Merci François Morel.